L'alphabet français est composé de 26 lettres. Voici comment s'organisent les différentes lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ces 26 lettres sont réparties en voyelles et en consonnes. Il y a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Et 20 consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z.